cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال العلامة الشيخ عبد السلام رحمه الله العائق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء troisième obstacle qu'il a cité alayhi rahmatullah après avoir cité la mauvaise intention talabul ilm li ghayri wajhillah thumma le deuxième obstacle tarkul amal à ne pas appliquer il a cité rahimahullah parmi les obstacles qui vont ralentir ce talib ou l'écarter de ce ilm al-i'timad ala al-kutub dun al-ulama ay étudier en se basant sur al-kutub, sur les livres sans revenir à ahl al-ilm en délaissant les assises de ahl al-ilm ma'a al-qudra ay wahid il a la capacité d'assister à des durus il a la capacité de demander lakin il veut faire les choses tout seul fa yaqra wa yastanbit wa yahkum wa yusahih wa yudha'if هذا إلي على خطر لماذا؟ لأن هذا العلم لابد من أصول هذا العلم il faut des choses pour comprendre والعلم بالتعلم كما جاء في الحديث أما واحد il veut apprendre tout seul comprendre tout seul et il ne revient pas à أهل العلم il ne revient pas aux gens de science qui ont fait des efforts qui ont fait beaucoup de sacrifices qui ont des assises pour expliquer فَهَذَا قَدْ يَضُرْ نَفْسَهُ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَرَى وَعْدُ الطَّلَبَةِ مِنْ نَفْسِهِ قُدْرَةً عَلَى أَخْذِ الْعِلْمِ مِنَ الْكُتُبِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي تَوْضِيحِ عِبَارَاتِهَا وَحَلِّ مُشْكِلَاتِهَا وَهَذِهِ الثِّقَةُ بِالنَّفْسِ دَاءٌ طَالِمًا رَأَيْنَا صَرْعَاهُ منبوذين نعم داء طالما رأينا صرعاه منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين ما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم صحيح هذا الكلام كلام نفيس أن بعض الطلبة لما يرى من نفسه قدرة على أخذ العلم il sent qu'il est capable de comprendre, de lire. Il ne se limite pas à lire, thumma à revenir à ahl al-ilm. Là, il veut faire les choses tout seul. Bal rubbama il devance ahl al-ilm fi ba'd al-ahkam ou fi ba'd al-masail en se basant sur les livres. Et ça, c'est très grave pour at-talib. Il aussi pense qu'il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de revenir vers les savants ou vers les étudiants qui l'ont précédé. Là, il pense qu'il a tout compris, il se précipite. Ah, là, il ouvre un char, un bab char à la nafsi. Wa ala ghayri. Qala l'imam, al-Shafi'i rahimahullah, man tafaqqaha fi butun al-kutub dhayya al-ahkam. من تفقه في بطون الكتب ضيع الأحكام أي celui qui prend العلم dans les livres أي sans revenir à أهل العلم il prend que des livres الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال ضيع الأحكام il n'arrivera pas à comprendre لأن هذا العلم il faut certaines choses tu n'auras pas tout dans ce livre et certains livres il faut des autres livres pour les comprendre et certains livres لابد من تحقيق que ce soit min hayt al-adilla al-ahadith ou al-masail il faut shay min al-bayan il faut shay min al-tarjih ama baluk an un talib un débutant il lit ce livre alors que ce livre il a besoin d'être expliqué détaillé corrigé ahyanan hada il n'a pas les moyens de tout ça rubbama il va prendre al-dha'if rubbama il va propager al-dha'if rubbama il va rejeter al-sahih min nafsihi ربما يفهم الصحيح، pas comme les salafis l'ont compris là, il va ouvrir un bab char à la nafsi ou à la ghayri s'il parle et s'il fait da'wa. Qala rahmatullah alayhi wa kana ba'duhum yaqul man min a'zam al-baliyya tashayukh as-sahifa ay alladhina ta'allamu min as-suhuf aw as-na'am as-sahifa min a'zam al-baliyya ay alladhina ta'allamu min as-suhuf ay al-kutub. Fin fitna. Et كم من الناس الان يتكلمون بل بعضهم يفتي وبعضهم يجرح ويعدل لا يعرف لهم جلسات بل جلسة عند العلماء. هؤلاء سين فتنة. سين فتنة pour eux et pour الأمة. Comme ils ont montré أئمة السنة. وقال الفقيه سليمان بن موسى كان يقال لا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا العلم من الصحفيين. المصحفيين c'est ceux qui ont appris le Coran من المصحف tout seul. فهؤلاء لا شك أن أخطأهم elles peuvent être كثيرة لأن القرآن التلاوة c'est un علم que tu prends من الأشياخ من القراء. لماذا؟ لأن هذه أو هذا الحرف أو الحروف لتو لها مخارج. القاف لها مخرج، الكاف لها مخرج، يفو لي ديفيرونسي، الحاء لها مخرج، الخاء لها مخرج. كذلك يدي غجل في التجويد مدود إلى آخره. فهي une façon de lire le Coran. ما واحد كي prend ce مصحف même s'il a étudié les règles لكن il récite pas sur un autre فربما il se trompe dans certaines choses. فلهذا العلماء يزاسست أن الطالب يحفظ القرآن على الشيخ على مقري على على أخ كي متخذ هذا الباب. Vous avez compris pour fermer ces portes. ما كل واحد il apprend tout seul, كل واحد il propage, كل واحد ça donne la situation qu'on vit à notre époque. جهل وتعالم وفتن وشبه. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يبغل alors que في هذا الباب on n'a pas tous parlé. Est-ce que un de nous ou n'importe qui من الأمة من المسلمين il peut se lancer dans le domaine de la médecine sans avoir étudié؟ أبدا أبدا. Il faut des diplômes, il faut comme les gens ils sont شديد في هذا الباب, ils font très attention. لماذا؟ لأن c'est un domaine important, la médecine. Est-ce que tu vas emmener une personne que tu aimes, ton enfant مثلاً, chez واحد qui a étudié la médecine chez lui dans les livres? Il n'a jamais étudié dans une école ou عند الأطباء, il n'a pas de diplôme, il a آخره, il n'a aucune expérience. Même s'il te dit لكن j'ai fait des recherches, tu ne lui feras pas confiance. Eh non, on ne peut pas lui faire confiance في هذا الباب. Même s'il aime le khayr pour les autres, même s'il prétend, il veut nous aider. On lui dit, ya akhi, chacun son domaine. La médecine, il faut des études, il faut de l'expérience, il faut beaucoup de choses. فالعلم c'est أعظم. لأن la médecine, c'est un domaine où tu peux te faire du mal dans un membre, dans ton corps. وربما تنجو. أما الدين, c'est un domaine qui touche le cœur. Chaque année, c'est beaucoup plus important. Enfin, comme on fait attention à notre santé, on doit faire beaucoup plus attention au ilm. Enfin, notre santé, on fait attention. مثلاً, quel médecin on va choisir. فالعلم كذلك. On doit faire attention de qui prendre هذا العلم. Et si on fait des efforts nous-mêmes, enfin, on fait des efforts et on prend هذا العلم عند أهله. وقال الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي وكان يساوي الأوزاعي. الأوزاعي إمام كبير رحمة الله عليه من أئمة السنة, إمام أهل الشام صن بوك الأوزاعي. فهذا الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي كان يساويه, أي il avait un niveau presque équivalent à الأوزاعي. C'est un imam kabir fi as-sunna. Kana yaqul la tahmilu al-ilm an suhufi wa la ta'khudhu al-Qur'an min mushafi. Ay ces gens qui veulent étudier tout seul, fa ne prenez pas d'eux. Ay vous devez prendre de ceux qui reviennent à ahl al-ilm. وقديما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. هذه العبارة العلماء إلا ست صفا. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. أي celui qui prend comme شيخ un livre, أي il étudie seulement dans les livres sans revenir à أهل العلم et sans profiter des assises de ilm pour qu'on lui explique, pour qu'on le corrige la akhir, فكان خطأه, et ses erreurs elles sont plus nombreuses que son sawab, et que la position juste qu'il aura, les erreurs elles sont plus nombreuses. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, et on a déjà lu son kalam, il a montré hada, c'est pas al-itlaq, ça veut pas dire an al-insan, il peut pas profiter des livres, khassatan celui qui n'a pas le qudra de voyager ou dans son pays il n'y a pas de ulama, il n'y a pas de dorous, il n'y a personne pour lui expliquer, alors qu'il veut hada, s'il a une bonne intention, et ça c'est très très important, ne pas comprendre s'il n'y a pas de savant dans telle ville ou il n'y a pas de talib ilm qui explique j'étudie pas là. Ça c'est minash shaitan. Si vraiment tu ne peux pas et il n'y a pas dans ta ville des durus ila akhirah, fa ulama'una yansahun awwalan al-inaya bil hifz. On doit faire des efforts fil hifz. L'apprentissage par cœur. Apprends des mutun akhi al-karim. Apprends le Coran al-karim qabla hadha. Si tu trouves personne à qui réciter, fa fais des efforts fil hifz et kadhalik aide-toi des audios. Tu prends un muqri qui récite doucement et avec une lecture sahih. Cheikh Al-Hudayfi, hafidahullah ta'ala, min a'immat al-haram, al-madani, fil madina, il a une récitation tayyiba. Tu écoutes et tu récites. Et tu te corriges en l'écoutant. Fa inshallah, tu seras ala khayr. Kadhalik, fais des efforts dans hifz al-ahadith. Et كذلك, si tu as du mal, tu n'es pas un arabophone, كذلك, tu t'aides avec un audio. Walillahi alhamd, كثير من الكتب, que ce soit Al-Arba'un Nawawiyya, ou Umdat al-Ahkam, ou Kitab Tawhid, ou Al-Wasitiyya, tous ces moutons tayyiba, al-an, walillahi alhamd, ils sont récités en audio. Enfin, tu écoutes, awwalan, thumma, tu récites et tu te corriges. Hada, c'est muhim. Al-Hifz, au lieu de perdre son temps, fil-qil ou al-qal ila akhirah, enfin, celui qui est sérieux, il met ses forces fait al-hifz, même s'il n'y a pas de durus. Hada al-hifz, ça yanfa'uh yawm min al-ayyam. Et s'il a une bonne intention, il est ma'jour indallah. Et ça fait partie du talab al-ilm. Ben, c'est la base du talab al-hifz. Kadhalik al-ulama yansa'un anna hada al-matn, que tu apprends par cœur, tu choisis des moutons jami'a, des usul fi kulli fun. Matalan fi at-tawhid, kitab at-tawhid, le cheikh al-islam. نواقد الإسلام القواعد الأربعة الأصول الثلاث tous ces moutons c'est des bases, tu les apprends si tu peux par cœur, et كذلك tu écoutes des audios de ulama, tu écoutes pas n'importe qui. Si tu es un arabophone, tu comprends l'arabe, فاكوت من أهل العلم. C'est pas من الحكمة ومن التوفيق de délaisser l'écoute de savants, et on écoute بعض الناس qui n'ont pas le niveau de ce savant. لا ينبغي هذا. استفيد من العلماء. Si واحد comprend pas l'arabe, فقدر الله يستفيد. Si il connaît واحد qui parle en sa langue, فالحمدلله يستفيد منه. Tant qu'il est à la الجادة, فيستفيد من العالم. Ce dors qu'il a expliqué, et إذا أشكل عليه الشيء, il note et il pose la question. Si il peut. هذا سيستفيد. Ça montre que ça veut. On dit pas que celui qui n'assiste pas aux assises des savants, il ne peut rien apprendre. Là, lakin, ta'ammalu, la ivara de Cheikh Abd Salam, al-i'timad ala al-kutub dun al-ulama. Amma prendre comme base le kutub et ne pas revenir au ulama, c'est ça, al-khatar wa al-darar. Amma celui qui ne peut pas et il revient à Ahl al-ilm dans leur livre, dans leur dorose, et il revient à Ahl al-ilm, s'il n'a pas compris, il pose la question, fa-hada. لعله إن شاء الله يستفيد السورة على خير. Et على كل حال, ça sera jamais équivalent aux assises. أبدا. C'est incomparable. لكن au moins, il fait des efforts et il avance. فهذا الخلاصة. خلاصة ست مسألة. قال ولقد أحسن أبو حيان النحوي حينما قال يظن الغمر أن الكتب تجدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم الشاهد إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. تقدم معنا لتفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أبي المعنى. على كل حال on fait des efforts. On fait des efforts pour étudier l'ilm et on ne se précipite pas. Même si tu lis un kitab, choisis les livres simples. Les anna, ils ne savent pas lire le livre qu'ils ont choisi. Les anna, ils ne savent pas le lire. Les anna, le livre, il n'est pas de leur niveau. Ce n'est pas tous les livres qui se lisent. Ça commence par des livres très simples. Et on répète, « Ya'tani bil-hifd » يعتني بالحفظ إن شاء الله ستستفيد. قال وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه الله يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط برغوان البصر. C'est une faïda taïba. L'imam al-ulama, il conseille talabat al-ilm de revenir à ahl al-ilm dans l'étude des livres. L'anna ba'd al-kutub, et ça arrive jusqu'à aujourd'hui, fiha tashif. Il manque un mot. Ou un mot, il a été changé à hiyanan. Et ça, c'est déjà arrivé à la tashifun fi bab al-sifat. Matalan, il y a un mot qui a été changé, ça change le ma'na. في الصفات الله عز وجل. فواحد qui lit ce livre tout seul, il ne sait pas que c'est une erreur. ربما il pense que cette phrase c'est savoir. التصحيف c'est une erreur de nos jours. مثلا les erreurs d'imprimerie. Le cheikh il n'a pas voulu dire ça, il n'a pas dit ça. لكن quand ils ont imprimé le livre ou recopié le livre, celui qui a recopié ou imprimé, il a fait une erreur. Il change tel mot. Ça arrive مثلا. Le mot halal il le change en haram. Ou le mot haram il le change en halal. هذا ستخطر. أما عند الشيخ ستتدي عند عالم من العلماء عند الشيخ من المشايخ quand il va arriver à ce point où il a du ilm, il sait que c'est une erreur. إما il a des autres versions du livre, إما il a déjà étudié ce livre chez son cheikh. فالـ تنبيه إلا la correction. فسيقول لك الشيخ قال كذا في هذه النسخة لكن c'est un خطأ. C'est une erreur d'imprimerie. Et il va te citer dans tel livre, dans tel nusra, as-sawab. Et on corrige. Alhamdulillah. Et ni'ma, amma tout seul. L'insan ma yastatiya. Il ne saura pas que c'est une erreur. Qala, wa qillat al-khibra bil-i'rab, ou fasad al-mawjoud minhu, wa islah al-kitab, wa kitabat ma la yuqra, wa qira'atu ma la yuktab, wa madhhabu sahib al-kitab, wa suqmu al-nusakh. ورداءة النقل وإدماج القاري مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة فهذه كلها معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته عن المعلم. صحيح celui qui lit il étudie tel livre عند العلماء فيرتاح. L'alim yashrah, il corrige, il détaille, il explique. Ahiyanan, il te montre que cette mas'ala, il n'y a pas une grande utilité. Ahiyanan, il te montre que cette mas'ala, elle est muhimma farakiz. Ahiyanan, il te montre anna hadha al-hadith, il est dhaif. Il te cite al-illa, la cause. Alhamdulillah, ni'ma. Amma la lecture tout seul, fala. Encore plus grave, ceux qui lisent des livres de Ahl al-Bida'i wa al-Dalal. Limadha li anna fiha shar wa batil. Kadhalik, lire des livres. ما ندري لوتور عن المؤلف شيء احيانا يبا parler بالحق احيانا بباطل et ce frère qui n'a pas le niveau يقرا il peut pas ميز. فلهذا العلماء ils ont mis en garde de lire كتب اهل البدع والضلال والمجهولين. écartez-vous, prenez كتب الائمه, des livres clairs. des livres qui sont propagés, des livres qui sont corrigés, des livres qui sont enseignés, walillahi alhamd. Fatartah. قال إذا كان الأمر على هذه السورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان وهو ما أردنا بيانه لنفسه. نعم كان بيان تأخير. وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه وهو ما أردنا بيانه. نعم كأنه لنفسه هنا سيونيغور دامبريمري ليتي ديكالي. نعم لأن لا يمكن حاجة للمتخ بخليقي فلعله نعم وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه وهو ما أردنا بيانه. قال وقد ذكر قبل هذا الوجه خمسة أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف فلتنظر في شرح إحياء علوم الدين. فعلى كل حال on fait des efforts في العلم ومن المنهجية الصحيحة كما تقدم معنا dans la kalima qu'on a fait أن من المنهجية الصحيحة c'est de revenir à أهل العلم ne pas étudier tout seul حتى الحفظ si tu peux t'aider avec ton frère t'entraider avec ton frère في هذا الباب فمهم il te corrige il te motive tu le corriges tu le motives et le ilm à deux c'est plus facile lakin choisis un compagnon qui va t'être utile comme on a détaillé dans la kalima wabta'id 'anil kasoul al-fattan écarte-toi de ceux qui font pas d'efforts et ashab al-fitan li'annahum yataghalantiru fi al-ilm wa fi al-talab. On finit avec la lecture de cette fatwa de Cheikh Abdel Aziz bin Baz rahmatullah alayhi كما في برنامج نور على الدرب اللي يوبوزي لا كيستيون عن الاعتماد في اخذ العلم على الكتب اي لو سوجي كون ا لو اي بروندر العلم دي ليفر اي نو با ريفينير او سافون. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه نعم اذا كان الشخص عاميا وليس عنده ادوات العلم ولم يتعلم ما يؤهله لمطالعة الكتب فإنه لا يستفيد الفائدة المطلوبة. قد يستفيد إذا كان يفهم العربية، قد يستفيد وإذا كان بلغته قد يستفيد. الشيخ بن باز رحمة الله عليه يمنط أن سي الإنسان سأعمي عمي سي quelqu'un qui n'a pas étudié. Il a jamais étudié la langue arabe. Il a jamais étudié الأصول وعلم النحو وعلم المصطلح. Ça c'est des outils importants pour pouvoir lire. لأن العلماء ils les ont appelés علوم الآلة. C'est des outils pour comprendre العلم. علم الغاية أي التوحيد والعقيدة والفقه. فالشيخ بن باز رحمة الله عليه montre s'il a ces outils. Il a des bases en langue arabe, il a des bases sur le mustalah, il a des bases s'il est dans le fiqh, il a des bases sur l'usul, il a akhri. Incha'Allah, c'est yastafid. En fait, c'est un talib ilm. Et s'il a étudié l'ilm comme il est bien, alhamdulillah, il lit dans les kutub et il reviendra à ahl al-ilm. Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué par l'ilm. Mais la mouchkila, c'est vie الذين ما طلبوا العلم. Et qui veulent se mettre en avant, qui se précipitent, qui n'écoutent pas les conseils, et qui veulent prendre l'ilm des livres. Hada kam, ça arrive. Un wahid, il te dit, lakin, j'ai lu dans tel livre. Et il n'a pas étudié l'ilm. Et il n'a pas étudié la mas'ala comme il faut. Pour comprendre une mas'ala, ya ikhwan, ça ne suffit pas de lire un livre. Maintenant, on lit la vie de Sheikh Foulain dans tel livre. Ça ne veut pas dire qu'on a compris toute la mas'ala. Khas, certaines fi ba'd al-masa'il qui demandent al-jum' et l'étude de aqwal ahl al-'ilm et on a besoin d'un tarjih. Lian al-'ulama ikhtalafu, peut-être qu'ils ont les mêmes adillah. Fa hadha, on doit revenir à ahl al-'ilm. Si on pose la question à un cheikh, le cheikh va nous dire anna al-mas'ala fiha kada wa kada min aqwal wa ar-rajih. Ay l'avis le plus juste c'est kada et il nous cite le dalil. C'est ça du 'ilm. Amma kam من الناس يقول لك مثلا j'ai lu dans tel livre. اولا il faut revenir au livre. احيانا tu reviens au livre c'est pas comme il a dit. Il a mal compris. Pourquoi il a mal compris? لانه il a pas les outils. Et un des outils les plus importants, c'est la langue arabe. Fabad al-Mubtadi'in, ils ont appris un peu la langue arabe, ils commencent à déchiffrer, ils commencent à lire, à bien lire. Lakin, ils ont un va'af, ils fahm. Et ma'ala, ils n'ont pas étudié qa'id al-nahu, wa sarf, wa ghayri dhalik. Ils comprennent mal. Thumma yaqulun, et Sheikh Fulan, il a dit, quand tu reviens au livre, le Sheikh, il n'a jamais dit hakada. Al-ibara, elle n'a pas été comprise. Ah, c'est ça qu'il veut montrer, Sheikh Abdelaziz, rahmatullah alayhi. Allez, on doit faire des efforts. Al-ilm marahil, l'ilm, il y a des étapes. Ou min awwal al-marahil, c'est al-julus. S'asseoir عند العلماء. C'est la première étape, ou une des premières, comme on a expliqué, fi al-manhajiyya. Qala al-Sheikh Abdelaziz, قد يستفيد إذا كان يفهم العربية قد يستفيد وإذا كان بلغته قد يستفيد إذا كان يفهم كما يستفيد من كلام الله إذا قرأ القرآن يستفيد باللغة التي يفهمها. Si ce livre c'est un livre qui est écrit dans sa langue, maintenant un arabophone il est en arabe, inshallah c'est يستفيد. لكن ça dépend du livre. C'est pas tous les livres qui sont au même niveau. مثلاً بعض كتب شيخ الإسلام même un arabophone même qui a étudié l'arabe, même qui a beaucoup étudié l'arabe, فربما il comprendra pas certaines مسائل خاصة في باب العقيدة والرد على أهل الأهواء. On est obligé de revenir à أهل العلم في هذا. قال لكن ما يستفيد الفائدة الكاملة العظيمة إلا إذا تعلم على أهل العلم المعروفين بالخير والعقيدة الصالحة والطريقة السلفية. Même si on profite en revenant au livre, ça ne sera jamais le même profit que عند أهل العلم. Et c'est ça le خلاصة. Et ça ne veut pas dire qu'on ne profitera pas des livres. لكن on peut diviser l'un en trois catégories. بعض الناس lisent des livres et ça leur fait beaucoup de mal. إما une mauvaise intention, إما c'est pas de leur niveau, إما c'est un livre dégaré. هذه القراءة leur fera du mal. Tu as des autres personnes, ils lisent, مثلا le livre d'un savant de la sunna, ولله الحمد, ils ont les outils pour comprendre, ils vont profiter. Tu as une troisième catégorie, ils ont les outils, c'est des étudiants, طلبات العلم, ils étudient عند العالم, ils vont encore plus profiter. لأن العالم, il va lire le livre et il va rajouter, il va détailler, il va corriger. Il va rajouter des fawa'id, fa sayastafid akthar. C'est ça le khulasa fi ma yata'allaq bil istifada min al kutub. Et vous avez remarqué que dans les deux cas où il y a de la fa'ida, il faut avoir des bases. Il faut avoir un minimum. Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi, il a démontré huna adawat al-ilm, ay des outils, et ces outils c'est avec at-talab. Ces outils c'est en étudiant. Qala amma wahdak faqad taghlat kathiran. ولا سيما إذا كنت لم تتعلم الأصول التي تهتدي بها إلى فهم النصوص ولم تجالس أهل العلم. أما السب فقال فقد تغلط كثيرا. أما توصل on est exposé à l'erreur. لماذا شيخ ابن باز il a cité un point essentiel. قال ولا سيما إذا كنت لم تتعلم الأصول. Surtout si tu n'as pas appris les fondements de l'ilm. لأن هذا العلم il a des أصول. Et si tu as maîtrisé ces أصول, ta lecture elle sera par rapport à ces أصول. Et ça تستفيد كثيرا, que ce soit des أصول في الحديث أو في اللغة أو في العقيدة أو في الفقه, فالإنسان سيستفيد. أما sans أصول, il va lire ce livre, il va penser كذا. أي أن مثلا cette مسألة c'est une sunnah. Il va lire un autre livre, il va dire c'est plus une sunnah. ثم il va lire un troisième livre, ربما il aura des doutes. لماذا لأنه il a pas des أصول pour رجح. Il a pas هذه الملكة في العين pour lui permettre de comprendre. قد يقول قائل comment on fait des efforts dans l'étude de la science. Fait des efforts في الحفظ. Fait des efforts في دراسة المتون. Des أصول في المتون. Que ce soit في العقيدة, في التوحيد, في الفقه إلى آخره. Et بإذن الله عز وجل avec le temps bien sûr الصبر et الرجوع إلى أهل العلم. Quand tu comprends pas تسأل avec une bonne intention بإذن الله ستستفيد. قال أما الذي قد جالس العلماء وحضر حلقات العلم واستفاد فإنه يمكن أن يطالع ويستفيد فنوصيك أن تجمع بين هذا وهذا وصية طيبة نصيحة قيمة أما celui qui a étudié العلم des assises et il a compris الأصول et il a استفد من أهل العلم ثم bien sûr il a des كتب ويستفيد ويقرأ ويفيد فالحمد لله Alhamdulillah, personne ne dira qu'il ne faut pas qu'il lise. Il faut qu'il lise et il propage. Et il faut qu'il lise et il propage. Il dit, « Fanoussi kan tajma' bayna hada wa hada. » Cheikh Ibn Baz, il nous conseille de faire des efforts dans hada. On fait des efforts fit talab al-ilm et on fait des efforts dans la lecture. Amma, on ne fait que de la lecture, seul. « Wa la natlub al-ilm inda al-ulama fala. » Wallahi alhamd, ceux qui ont assisté à des jalassat عند العلماء, tu vois la différence. Jalsa ma'a alim, rubama un chapitre d'un livre. Tastafid kathiran. Tastafid min khuluqih dans son comportement. Tastafid fi al-manhajiyya fi al-qira'a, comment lire. Comment il lit le shir, tastafid. Tastafid comment il explique. Et bien sûr, tastafid des fawa'id. Il va t'expliquer tel verset, il va t'expliquer tel hadith. Tastafid min hayth al-lugha, il va donner une faïda dans la langue. Tastafid min hayth al-tashih wa al-tad'if, il va sahih ce hadith, il va dha'if l'autre. Falhamdulillah, nour ala nour. Naktafi bi hadha, et cette fatwa de Cheikh Ibn Baz est nafi'a. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.